Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le plaisir est pour nous de vous retrouver pour un nouveau numéro de Forum Jeunes. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de nous entretenir avec un humoriste burundo-rwandais, Michael Sengadzi, connu sous le pseudonyme de Mika. L'émission d'aujourd'hui vous est préparée par Lidanda Ikeza. Bienvenue. Je vous salue, Michael Sengadzi. C'est Sengadzi ou Sengadzi? Sengadzi. Sengadzi Michael, oui, exactement. Beaucoup de personnes aiment dire Sengadzi. J'ai déjà entendu Sengadzi, Sengadzi, Sengadzi, mm-hmm. Shangadzi. Donc chacun fait ce qu'il veut, un freestyle sur mon nom parce que c'est pas un nom très commun. Mm-hmm. Pour commencer, la signification du nom. Ah, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est le nom de mon arrière-grand-père, parce que mon père adore faire cela, donc donner les noms des aïeux à ses enfants, donc mon grand frère à celui de mon grand-père, et ainsi de suite, mon petit frère à celui de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, donc ça va hyper loin. Moi, on m'a donné Sengadzi, qui est le nom de l'arrière-grand-père, et je me dis que la signification, j'essaie de faire des recherches moi-même. J'ai pas eu beaucoup de résultats, mais Sengadzi, voilà, à l'école on m'appelait le papa des escaliers, donc on taquinait comme ça. Mm-hmm. Donc c'était soit ça, père des escaliers, ou ou bien Ikigadzi, l'arbre, le palmier, donc quelqu'un qui est très fort monter dessus et prendre de l'huile de palme, je sais pas, c'est peut-être ça la signification, mais je n'en sais rien. Donc appel à quiconque sait ce que ça veut dire, de me le dire, ouais. À travers ces significations par rapport à ton nom, on comprend bien qu'il y a trop de Kirundi. Est-ce que Michael est Burundais ou les Rwandais? Parce qu'il y a toujours des confusions par rapport à ça. Michael est un enfant du Burundi. Michael est né au Burundi à Gitega et son père est Burundais. Bien que ma mère est rwandaise, mais ma mère aussi est née ici au Burundi, tout comme moi. Donc Michael est Burundo-Rwandais. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que la majorité peut l'emporter sur toi, genre tu es totalement Burundais? Écoute, je me sens plus chez moi ici qu'ailleurs, donc je me dis que c'est un peu ça parce que j'ai passé la majorité de ma vie jusqu'à maintenant au Burundi et même la base de ce que je suis et de ce que j'ai, même mon humour est du côté paternel, donc je me dis que oui, on peut dire ça. Vous êtes humoriste, mais à part être humoriste, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter la radio Isanganiro pour mieux connaître Michael Sengadzi. C'est qui? Michael Sengadzi est un enfant né d'une famille de 7 enfants avec un papa burundais, une maman rwandaise. On est plusieurs à la maison, donc c'est très fun à la maison. Et il y a un autre humoriste dans la famille? Ils sont tous humoristes, ils ne vont juste pas sur scène, parce qu'ils sont très très drôles. Mon père est très très très drôle, même dans des conversations très simples, il arrive à trouver quelque chose de drôle dedans. Et je trouve que l'humour, il a trouvé que c'est un mécanisme de protection pour lui. Mm-hmm. Et pour moi aussi, je l'utilise maintenant. Je suis aussi licencié en droit, parce que j'ai fini en droit, au Rwanda, ça doit faire 4 ans, ouais. Je fais aussi du théâtre, parce que j'ai commencé au théâtre. Ensuite, j'ai dérivé un petit peu vers la comédie, avec une troupe que j'ai formée au Rwanda avec d'autres compatriotes rwandais. Et comment tu as choisi concrètement pour dire, moi, je vais commencer à faire le métier d'humoriste? Franchement, je ne sais pas. Je pense que le métier m'a un peu choisi, parce que c'est un petit peu un truc dans les gènes que j'ai, parce que mon père, comme je te l'ai dit, est énormément drôle dans des situations. Il trouve quelque chose de drôle dans toutes les situations. Donc c'est le gars carrément qui te fait rire alors que tu es en train de voir un cortège de gars qui vont Kumbimba, là, enterrer les gens. Parce que je me souviens, il y a quelques jours, on est en train de partir vers l'aéroport et il y a un cortège qui vient. Ils sont en train de mettre les feux pour qu'on les laisse passer, le cortège pour aller enterrer quelqu'un. Oui. Donc, et mon père qui est juste devant et il les laisse passer, il fait genre, non, je ne comprends pas, je dis, qu'est-ce qu'il y a papa? Il me dit, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi pressés? C'est pas comme si la personne allait se réveiller et puis dire, écoute, on est en retard. Non, la personne va rester là-bas. Au pire, ce qui peut t'arriver, c'est que tu risques d'avoir un accident aussi et de le rejoindre dans la même tombe et l'accompagner. Je sais pas, Et c'est dans cette situation, tu vois, c'est là que je te dis, dans une situation qui complètement, qui n'est pas supposée être drôle, c'est-à-dire c'est un enterrement, oui. Mais il trouve un moyen de te faire rire dans ces situations-là. Mm-hmm. Donc voilà quoi, je n'ai pas choisi ça, c'est plutôt quelque chose d'héréditaire, mais aussi c'est un concours de circonstances qui s'est passé, parce que moi j'étais en troisième année de droit, et puis mm-hmm. certaines femmes m'ont vu, ils sont venus à l'université mm-hmm. avec des auteurs africains, mm-hmm. avec des livres, on devait les lire et poser des questions. Mm-hmm. J'ai lu un bouquin, on est parti dans la conférence, on a posé des questions, j'ai posé ma question, elle a aimé ce que je disais par rapport à ce livre, et elle voulait que je fasse un café littéraire. Vous savez, quand vous faites ce genre de soirée avec des auteurs, et vous lisez des extraits, etc., parce qu'elle aimait bien l'accent que j'ai en français, parce que voilà, au Rwanda, il y a un problème, et j'ai eu la chance d'avoir une assez bonne formation en français ici au Burundi. Elle m'a emmené dans ce café littéraire et puis après elle m'a proposé un rôle dans une pièce de théâtre, puis après des petits rôles. Et un jour, on a fini une pièce de théâtre qui était un petit peu éducative par rapport à l'économie, mais aussi très très drôle. Et un de mes amis m'a vu avec son père, je jouais avec son père, il s'appelle Arthur, c'est un autre comédien du Rwanda, Asa, comme on l'appelle chez nous. Et il a vu son père jouer avec moi, et avec un de ses amis, il a proposé, il a dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose à 100% comique, quoi. Et du coup, on a créé ça ensemble, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la comédie, et un an après qu'on ait commencé, on est venu ici au Burundi jouer la première fois avec au Centre Culturel. Il y avait un spectacle de Freddy Samimbona avec sa troupe aussi. Et c'est là qu'on a commencé à venir ici. Et puis après, on m'a connecté avec Kigingi et tout, qui était aussi l'un de mes voisins au Tanga Sud, là où je vivais. Il me disait qu'il voulait aussi commencer et tout. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Voilà. Est-ce que faire une carrière de droit et changer complètement de trajectoire, ça a été vraiment facile pour toi ou pour ta famille? Non, pas du tout. Mm-hmm. Que tu dis. Déjà, j'ai fait le droit. Ok, ça c'est un. Un métier vraiment sérieux. C'est très sérieux. Et de deux, mon père, c'est Numugamba. C'est pas, tu vois, la région d'Igenda. Et c'est des gens qui peuvent aller dans une cour. Tu vois, carrément, il a jamais été dans une cour. Mais il va dedans, dans un tribunal. Et puis, c'est le gars qui te lance des objections et des trucs comme ça. Alors, il a jamais fait le droit. Mais il vient, il étudie et il commence à le faire. C'est naturel. Et Amatongo, comme ils disent nous, ils sont super forts à ça. Déjà, mon père était hyper fier que je fasse ça, tu vois, que je fasse le droit. Il était hyper fier. Il présentait ses enfants. Il disait, ouais, j'ai une de mes filles qui est au Canada. J'ai aussi un de mes enfants, Steve, qui a sa société. Puis, il y a la grande sœur, Osa, qui est aussi une société où elle travaille. Puis, il y a Axel, lui qui fait le IT, c'est un informaticien, il travaille au Rwanda, etc., etc. Et il arrive vers moi, et dit, Michael, lui, c'est un futur juriste, tu vois, un papa fier, tu vois. Puis il continue avec mon petit frère, lui, il fait un stage dans une banque, etc., etc. Puis il arrive, donc, des enfants bien éduqués, qui sont en train de se former. Oui, donc il avait cette fierté, tu vois. Et puis à un moment, j'ai changé. Je suis parti du droit pour faire le marketing. Déjà, premier changement. Mon père qui fait, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas étudié cela. Tu ne vas pas faire des trucs que tu n'as pas étudié. Je dis, papa, mais écoute, je suis assis toute la journée à ne rien faire. Non, ce n'est pas possible. Il faut que tu continues et tout ça. Non. Et je leur dis, je vais faire le marketing parce que j'aimais bien ce qu'on faisait, c'était écrire, tu vois. Et ça faisait des années que j'écrivais et tout. Et je lui dis que je vais faire ça. Il me dit, non, tu n'as pas étudié cela. Je me dis, écoute, papa, on me paye beaucoup plus que... Je dis, bon, vas-y, tu vas le faire. Mais n'oublie pas que tu dois revenir et à ce que tu as étudié, le droit et tout ça. Parce qu'il était très fier de ça, tu vois, très fier. Il continuait à me présenter tous ses enfants comme ça. Et quand il arrivait vers moi, il disait, ouais, il a fait le droit, mais il est très fort en marketing, etc. Et j'ai quitté ça pour jouer, faire du théâtre en fait, pour faire du théâtre, faire de la comédie. Et c'était très très compliqué, au début bien sûr, parce que avant je leur disais, je suis venu leur dire, papa, maman, je pars. Sans fumer, sans alcool, comment ça tu pars dans la cuisine, tu pars où, c'est quoi? J'ai dit, non, je pars en Allemagne. Faire quoi? Je dis, papa, je vais jouer. Tu vas jouer. C'est ça le truc avec le théâtre. Dans notre langue, c'est goutina. Ça a une certaine connotation, il est un peu bon enfant, tu vois. Donc tu vas jouer. Je leur dis que je vais jouer dans une pièce de théâtre. Mais non, c'est pas possible. Certainement, cet enfant, ça doit être un dealer de cocaïne. Ou bien il s'est trouvé une vieille Allemande qui lui donne de l'argent, je sais pas. Il a décidé de devenir un délinquant. Non, je dis non, c'est une pièce de théâtre. Ils m'ont laissé partir, juste pour voir. Ils se disent peut-être, je sais pas, mais bon, écoute, il a décidé de le faire, on le laisse. Je me suis un petit peu rebellé, puis j'ai commencé à le faire. À un moment, après quelques temps, ils ont accepté, ils se sont rendus compte que j'étais sérieux par rapport à cela. Je leur ai expliqué mon plan, ce que je voulais faire, etc. Et mon père, quand tu lui donnes un plan précis, c'est un ingénieur agronome déjà. Lui, si tu lui dis pas, dans 6 mois, donc des trucs comme ça, 6 mois, bien planifié. 3 mois, un truc super bien planifié, tu lui dis, moi je veux faire ça, je vais faire une réévaluation à ce niveau-là, après 3 mois ou après 6 mois, pour voir comment corriger ça dans les 3 mois qui viennent, et avoir des bénéfices dans les 3 mois qui suivent, un truc hyper bien planifié, quoi. J'essaie de faire un truc un peu comme ça, tu vois. Je lui donne ça et je dis, ok, je vois ce que tu veux faire, ok. Une année, je me suis donné une année pour essayer de le faire. Et j'ai essayé. Et à un moment, j'ai failli abandonner. Puis après un concours d'événements, j'ai continué. Voilà, j'ai décidé de continuer au festival de Toseka au Congo. C'est là que j'ai décidé de continuer. Je devais arrêter ce jour-là. Et, le festival s'est tellement bien passé. Et puis voilà, j'ai décidé de continuer. Et quand tu es sur scène, est-ce vraiment facile de communier avec le public? Ça dépend de quel public. Ça dépend de quel public. Donc, tu t'y prends comment pour mieux échanger avec ton public? Du coup, je reste moi-même, mais j'essaie aussi de m'adapter par rapport au public. Il y a des publics qui sont très participatifs, qui rentrent vraiment dans le jeu et qui te poussent, qui sont avec toi, qui ont le sang chaud quelque part, donc qui te poussent vraiment. Et dans tous les pays où je suis allé, la Côte d'Ivoire et aussi un petit peu nos voisins ici du Congo, c'est les pays où j'ai rencontré un public qui est très, très, très chaud et très participatif. Et ils sont vraiment investis dans ce que tu fais. Si c'est très bon, si c'est très bien fait, si c'est très clair et qu'ils comprennent, ils sont dedans. Ils sont dedans. Il y a d'autres qui sont un petit peu plus compliqués. Disons, au Rwanda, c'est un petit peu plus complexe. Donc, il faut juste savoir s'adapter et juste trouver la faille, en fait. Il faut juste, tu dois trouver la faille. Est-ce que tu as un modèle que tu aimes suivre? J'ai quelques comédiens que je regarde, que j'aime beaucoup, parce que je suis fan, je suis un fan, je suis un gosse. Bien sûr, Gad Elmaleh, il y a Dieudonné, Jamel, et puis il y a d'autres, Steve Harvey, Dave Chappelle, Trevor Noah. Ça, c'est pour les côtés anglophones. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est pour Eddie Griffin, Eddie Murphy, De Vos, oui, un peu de Coluche. Donc, par eux, tu as appris et tu continues à te développer. Je continue à me développer par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leurs idées derrière, et bien sûr ne pas reproduire ce qu'ils ont fait, parce que ça c'est du plagiat et je ne veux pas faire ça, mais plus par rapport à la technique, par rapport à la manière dont ils le font, au professionnalisme avec lequel ils le font. J'essaie aussi de ramener un certain professionnalisme aussi dans ce métier, dans le sens de l'événementiel en général, par rapport à l'heure déjà. Parce qu'on a, un défaut ici, chez nous, quand on te dit que l'événement va commencer à 18h, tu te ramènes à 19h30, 19h45, déjà, faut passer à l'aréna, on a joué, c'est écrit de 18h à 21h. Et vous avez commencé 19h15. Et on a commencé 19h15, nous à jouer, mais notre programme s'est déroulé comme on l'avait prévu, parce que les gens commencent à rentrer à 18h, et le band commence à jouer à 18h30, et nous vers 19h15 on commence notre soirée, et vers 21h on finit. Et on ne veut pas ce genre d'événement qui dure des heures et des heures et des heures, et puis on ne veut pas ce genre d'événement qui commence 4 heures après, etc. On veut quelque chose de bien clair, bien précis, bien clean, etc. Que les gens sachent qu'ils sont habitués à ça. Tu vois, parce qu'on m'a aussi dit que pendant que j'étais en train de jouer, il me restait que genre 10-15 minutes. Il y a des dames qui sont arrivées à la porte. Il y a des dames qui sont arrivées à la porte, qui se sont dit, oui, on fait des places VIP. C'était plein, il y avait presque plus de place. C'était bien rempli. Et puis les dames, elles font, ouais, nous on veut des places VIP à 35 000. On leur dit, madame, excusez-nous, madame, il n'y a plus de place. Ils font genre, non, nous on leur dit, on peut trouver une ou deux chaises, mais c'est pas sûr. Nous, on est des femmes classe, on a besoin d'une table et on a besoin de chaises. Et on a de l'argent. Et on a de l'argent aussi. Ok, ça c'est de la condescendance. tout ça parce que tu as du fric, que tu es une dame classe entre guillemets. Mais si tu es une dame classe, tu as une montre, regarde l'heure, tu es supposé arriver à 2 heures. Quoi. Et tu veux qu'on te traite comme une reine. pardon, quoi. Mm-hmm. Non, mais sérieux, donc c'est ce genre de mentalité que je veux enlever dans ce sens-là, et puis pour que l'industrie de l'humour ou de l'événement se passe un petit peu mieux. Vous n'avez pas eu son Danilo ? Vous ratez l'essentiel. L'émission, c'est Forum Jeune. On est en train de parler du métier d'humoriste vu par Mikaël Sengadzi. Pour lui, il y a une différence entre être humoriste et être comédien. Des fois, je suis comédien, des fois, je suis humoriste. Quand je suis comédien, je fais du théâtre, des fois, et je fais de la comédie à l'intérieur, etc. Mm-hmm. Et humoriste, c'est comme un chimiste. Le iste, ça vient pour spécialiste, en fait. Mm-hmm. C'est que tu es spécialisé dans quelque chose. Mm-hmm. Donc, l'humour, voilà. Mm-hmm. Est-ce que Mikaël, il a vraiment à vivre de l'humour? Pas encore, ça commence à venir, mais pas encore, parce que l'autre problème dont on parlait, la valorisation de ce que l'on fait, de un, de deux, aussi le niveau de l'industrie humoristique ou du secteur humoristique dans la culture ici est très très bas. Et, dans notre région, il faut juste voir le nombre de salles de théâtre qu'il y a. Il n'y en a pas. Voilà. Mm-hmm. Donc c'est pour te dire à quel point c'est un petit peu compliqué de faire cela comme métier. S'il y avait un petit peu plus de cela, mm-hmm. peut-être que les gens arriveraient à le faire. Dans d'autres endroits là où je voyage, quand je pars jouer en Allemagne, eux c'est carré, c'est vraiment, c'est tellement carré, tellement mm-hmm. précis, et ils sont tellement loin. Tu arrives, ils te donnent l'itinéraire où tu dois être, à quelle heure, tu arrives là-bas et ils te disent le programme, à quelle heure vous devez jouer. Il y a des artistes de résidence, c'est-à-dire dans ce théâtre, ils ont des artistes qu'ils payent par mois, qu'ils jouent ou pas, tu vois, donc c'est des employés. Et quand ils ont une pièce de théâtre, ils sont payés par rapport à la pièce de théâtre et par rapport au nombre de représentations et un montant qui est fixe. L'État, quelque part, aussi travaille dans ce sens-là, tu vois. Mais dans notre région, il n'y a pas de cela. Parce que les gens ne réalisent pas l'importance que l'art peut avoir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fonds qui sont envoyés dans ce sens-là. Comme je suis basé au Rwanda, je ne peux dire que par rapport à cela, et là-bas aussi, il n'y a aucune salle de théâtre, aucune. On joue dans des hôtels, dans des restos, dans des trucs comme ça. Aussi, le budget par rapport à la culture... Le ministère, c'est celui du sport et de la culture. Presque la plupart, ça va vers le sport. Parce que le sport, c'est visible pour eux, c'est quelque chose de concret. Les gens tapent dans le ballon, ou bien smashent dans le ballon, un truc comme ça. Ça ramène des fans, et les fans regardent ça. Et puis ça n'a pas besoin de comprendre, etc. Ça n'a pas besoin d'être un intellectuel, etc. Donc voilà quoi. C'est quelque chose de clair, de net, de précis pour eux. L'art, c'est quelque chose d'abstrait et qui peut être abstrait et qui est difficilement compréhensible pour tout le monde. Donc, pourquoi envoyer de l'argent là-bas? Dans le métier d'humoriste que tu as déjà commencé à faire, est-ce qu'il y a des contraintes que tu as déjà rencontrées? Bien sûr, donc, comme dans tous les métiers, il y a des contraintes. Tu vois, il y a des contraintes par rapport aussi à l'ouverture culturelle des pays par rapport à la culture elle-même, au théâtre, à l'humour, etc., est un problème, déjà. Donc, ce n'est pas pris au sérieux. Tu vois, alors que c'est un métier. Dans d'autres pays, c'est un métier. On le prend comme un métier, mais les gens, forcément, devant nous, ne le voient pas comme un métier. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça perd sa connotation sérieuse quand ça vient dans le kirundi, tu vois. Kukina, Kuvu Ganyin, Uskwa Ganya, tu vois. On dire des blagues. Tu vois. C'est ça l'un des problèmes que l'on rencontre la plupart du temps. Et qu'est-ce qui en ressort? C'est que quand tu as un show que tu organises, des fois c'est un petit peu compliqué d'avoir des sponsors, ou bien quand il y a des gens qui viennent demander des services, c'est-à-dire ce que tu fais, de demander à toi de venir jouer, ou etc., et tu leur dis un prix qui est raisonnable, qui est celui que tu charges par rapport au boulot et au travail que tu fais, ils te disent t'es sérieux? Et c'est pas seulement qu'ici, même au Rwanda c'est pareil, parce que comme je suis basé là-bas, il y a des gens qui font du vidéo show. Genre pourquoi autant d'argent, quoi? C'est juste aller devant et parler, quoi. Et moi dans ma tête je me dis vas-y, fais-le. Si tu penses que c'est aussi facile, vas-y, c'est bon. C'est pour ça que les gens viennent vers ceux qui font, ceux qui peuvent le faire. C'est dans plusieurs secteurs que tu peux rencontrer cela. La valeur que l'on donne à ce genre de prestations ou à la culture en général est très minime, alors que l'importance de ce que l'on peut faire dans le théâtre et dans l'art en général est immense, parce qu'il n'y a rien dans la vie de tous les jours, quand tu pars, il n'y a rien qui n'est pas basé sur l'art. Mmh. Tout est basé sur l'art. Mmh. Si on le regarde très bien, tout est basé sur l'art. On a devant nous des micros, n'est-ce pas? Mmh. Ces micros ont été designed. Mmh. Il y a des gens qui ont fait le design, qui ont dessiné cela. Mmh. Et ça, c'est de l'art. Et on a aussi autour de nous ces housses-là qui sont là. Mmh. Elles sont décorées d'une certaine manière. Il y a de l'harmonie, même c'est des couleurs, etc. Même faire tout cela, c'est un certain niveau d'art, tu vois. Et même pour le théâtre, anecdote, en Allemagne, pour quand ils avaient l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, pour unir tout le royaume, à l'époque, ils avaient des pièces de théâtre dans plusieurs endroits du pays. Et comme les politiciens n'étaient pas très forts par rapport à donner un certain message, parce que ce sont de très bons politiciens, mais qui ne savent pas donner un message d'une certaine manière, ils donnaient ça à ceux qui écrivaient les scripts et leur disaient « on veut ce message inclus dans une pièce de théâtre ». Et les gens écrivaient une pièce de théâtre par rapport au message que les politiciens voulaient. Et puis après, les gens le jouaient dans plusieurs endroits et tu te retrouvais avec toute une population qui connaissait en fait, qui dans une certaine... Le message passait encore mieux parce que c'est très drôle, c'est dans une bonne situation, tu vois. Et les gens captaient ce message et c'est comme ça que l'Allemagne a été unie en fait, par le théâtre, par l'art. Donc s'il y a un message qui peut être convoyé, l'artiste peut le faire encore mieux, par une chanson ou autre, autre manière, dépendamment de quel secteur l'artiste dans lequel il travaille. Même l'humoriste, tu peux faire rire des gens par rapport à une certaine situation, tu vois, mais aussi il peut y avoir une pensée derrière. La fois passée, j'ai parlé de mariage, et j'ai fait rire les gens par rapport au mariage, par rapport à ce truc quand tu viens de rencontrer une fille et que par hasard tu la mets enceinte et tout, voilà quoi, ça arrive. Et quand tu dis, bon écoute, tu dois la prendre. J'ai fait un sketch sur ça et les gens étaient morts de rire, mais c'était aussi pour leur dire, je leur ai dit à la fin, moi je ne suis pas d'accord, parce que c'est une personne que tu viens de rencontrer. C'est vrai, à une certaine époque, au Burundi, tu découvrais la mariée le jour même du mariage. C'était comme une surprise. Okay? Qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, tu dois la prendre, tant pis. Mais voilà quoi. Les périodes sont révolues. Donc j'essaie de dire que pour un mariage assez durable de nos jours, il faut que les personnes se connaissent, etc. C'était ça le message derrière. Et les gens, je pense qu'ils ont compris le message derrière. Michael, il porte un chapelet au cou et aux doigts. Il est très chrétien, il aime faire la rosaire tous les jours. Le truc, c'est que c'est fashion. Non, c'est pas fashion. Pas du tout, pas du tout. Le chapelet sur le cou, c'est celui que ma mère m'a donné. Ça doit faire au moins 5-6 ans. Parce qu'elle est très, très croyante. Elle veut que je garde ça avec moi. Et je ne l'enlève pas, carrément. Je me lave avec, je dors avec. La plupart du temps, je l'ai sur moi. Celui sur le doigt, c'est l'alliance de mon grand-père. Donc ça, c'est les petits chapelets qui vont sur le doigt, c'est celui-là. Et c'est l'alliance de mon grand-père. En fait, il y a une histoire derrière, il y a deux. La première, c'est que pourquoi est-ce une alliance? Sa femme aussi, sa deuxième femme, ils ne pouvaient pas décider où ils vont se marier. Tu vois, parce qu'elle était protestante, mon grand-père était chrétien. Et là-bas. Et puis ils ont dit, tu sais quoi, on vit ensemble de toute façon déjà, on va continuer comme ça. Ils ont continué jusqu'à ce que mon grand-père ait 94 ans. À ce moment-là, sa femme lui a fait, écoute, bon, c'est bon, on va le faire dans une église catholique, t'es content, c'est bon. Maintenant, au moins, on est trop vieux pour se chamailler, tu vois, on est trop vieux pour... c'est bon, maintenant. Mais ça faisait des années qu'ils essayaient de décider, ils ont décidé, ils l'ont fait. Ça, c'est la première histoire. Et la deuxième, c'est que la raison pour laquelle je porte ça, c'est la personne qui me soutenait le plus. Mon grand-père, oui. Il ne m'avait jamais vu sur scène. Il ne m'avait jamais entendu la radio là où je travaillais au Rwanda. Mais c'est le gars qui faisait « Il faut que vous voyez mon petit-fils. Il est magnifique. » Il ne m'a jamais vu. C'est un dieu sur pattes. Lui, non, c'est le meilleur. Il ne m'a jamais vu et il faisait la publicité pour moi comme si... Et je venais juste de commencer. Je n'étais pas... C'est pas comme si j'avais de l'expérience. Mais lui, pour lui, j'étais le best, quoi. Le meilleur du meilleur. Et je me souviens, je suis parti au Congo, là où je te parlais pour le Toseka. Quand je suis arrivé là-bas, malheureusement, c'est là que je devais arrêter. Je savais que je devais arrêter au Congo. Je devais arrêter de jouer parce que la pression familiale, etc. On m'a dit, il faut que tu retournes faire le droit, etc. Et je me suis dit, je vais jouer une dernière fois parce que j'ai jamais voyagé pour l'humour, c'était la première fois. Je vais aller au Congo, je vais jouer une fois, puis je vais arrêter, je vais retourner dans le droit. J'arrive là-bas, mon grand-père, lui, m'avait dit, vas-y, c'est bon, t'es le meilleur. Mm-hmm. J'arrive là-bas et on m'informe que mon grand-père est mort. Je suis un petit peu déboussolé. Je dois aller sur scène, faire rire les gens, alors que je viens de perdre mon grand-père. Donc, c'était l'une des expériences les plus compliquées. Mon père m'écrit, très pragmatique, il me dit, écoute, toi, tu as un boulot à faire, n'est-ce pas? Je dis, oui, ok, fais ce que tu as à faire, après... Tu vas venir, on va faire le deuil de papy. Mais d'abord, il y a des gens qui attendent que tu fasses un boulot, et il faut que tu le fasses. Tu es là pour quelque chose, il faut que tu le fasses. Un jour après, non, deux jours, je suis arrivé, le lendemain on n'a pas joué, le surlendemain, c'est là que je vais sur scène. Je joue, peu importe, je continue à jouer, et puis après je finis. Après, le jour d'après, c'est là que je reviens sur scène, et que j'en pouvais plus, je me suis ouvert au public, pendant mon sketch, et je leur ai dit, franchement je suis ici. Non, mais en fait, je ne suis pas ici. Mon grand-père, etc., je leur dis. Et j'ai entendu entre 4 et 6 000 personnes me dire condoléances. Ils étaient tellement dans le show. Ils ont ri, on a ri ensemble et tout. Et je les ai emmenés dans ce moment-là. Tu vois, quand tu es en communion avec le public, à un moment, tu t'ouvres à eux parce que c'est ça, c'est de la franchise. Ce n'est pas juste jouer, mais c'est juste être toi-même sur scène. Et j'essaye d'être moi-même à chaque fois que je joue, donc je suis parti et je leur ai dit, voilà, et ils m'ont soutenu, etc. Donc, depuis ce jour-là, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, c'est en fait ça que je dois faire. C'est et en fait tu ça. Vas porter ton alliance. Et je porte son alliance depuis. Chaque fois que je joue, je dois l'avoir. Le grand père de Michael a valorisé le travail que tu faisais. Qu'est-ce que Michael peut dire aux autres jeunes qui voudraient bien commencer avec ce métier? C'est à l'intérieur. Si c'est à l'intérieur de lui-même, de cette personne, si la personne le sent au fond, alors c'est ça. Il faut juste y aller, croire en ses instincts et à sa bonne étoile. C'est tout. Y aller à 100% et ne pas avoir de regrets. Il ne faut pas que quand tu es 45, 50 ans, tu te dis « Ouais, j'aurais peut-être dû le faire. » Non, fais-le maintenant. Maintenant, même si tu as 14 ans, 12 ans, vas-y. 16 ans, 17, vas-y, fais-le. Si tu le sens à l'intérieur de toi, lâche-toi, sois toi-même. Parce que c'est quand tu le fais que tu sens que tu es né pour ça. C'est par ces conseils de Michael Sengazi que nous terminons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Michael qui nous a accordé cet entretien. Cette émission vous était préparée par Alidanda Ikeza. À la prochaine.